You! Y'en a marre d'attendre une date de sortie. Même quand on aura une, faudra attendre encore. C'est tellement un bon jeu pour se condenser. La sortie de Super Smash Bros. Brawl! Un Smash Bros avec bien sûr Mario, qui traîne un peu à cause de Nintendo. Avec Solid Snake et Sonic en guest star. Et en plus il se joue online. Le terrain de Mario, hein. Olimar et ses Pikmin. Une super balle Smash. Et bien sûr un mode online. Brawl, brawl, brawl, t'as la picana. Y'en a marre d'attendre une date de sortie. Même quand on aura une, faudra attendre encore. C'est tellement un bon jeu pour se condenser. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. Il paraîtrait qu'il y aura Lucario, Nomi jouable et un mode scénario. Un éditeur de stage et toujours les trophées. Et même des gros boss à battre. La musique de Donkey Kong, le stage du Pictochat, et celui de WarioWare, et bien sûr un mode online. Brawl, brawl, brawl, t'as la picana. Y'en a marre d'attendre une date de sortie. Même quand on aura une, faudra attendre encore. C'est tellement un bon jeu pour se condenser. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. Il y a aussi un mode photo pour les envoyer à tes amigos. On peut jouer avec plusieurs manettes. Ça varie le plaisir du gameplay. Le monde de Zelda Twilight, Harmony en trophée. Pareil pour Little Mac. Et bien sûr un mode online. Brawl, brawl, brawl, tada, picana. Y'en a marre d'attendre une date de sortie. Même quand on aura une, faudra attendre encore. C'est tellement un bon jeu pour se condenser. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. Y'en a marre d'attendre une date de sortie. Même quand on aura une, faudra attendre encore. C'est tellement un bon jeu pour se condenser. La sortie de Super Smash Bros. Brawl. Y'en a marre d'attendre une date de sortie. Même quand on aura une, faudra attendre encore. C'est tellement un bon jeu pour se condenser. La sortie de Super Smash Bros. Brawl.